J'ignore ce qu'Azim nous concocte, mais soyons prêts quand il le faudra. On se place, on veut notre part du gâteau. Vivre dans l'ombre, c'est bien, mais ne rapporte pas de cadeaux. Pour faire de vieux os, on bouge, bosse, pas qu'un simple duo. Pas question de se prendre pour des boss. Et nique sa mère si notre son passe en radio. Notre tête en haut de l'affiche, délire de gosse, on force le passage. Compétition, ça se corse, cap sur d'autres rivages. Pas de racolage, de zoulette, on fout le feu. Vas-y, lime ça, crame l'allumette. De frérot, pour une combinaison, y'a pas de place pour tout le monde, faut se faire une raison. Les gens changent, les saisons passent, pisse au frère, les autres qu'ils trépassent. En fait, avec franchise, on se positionne. Pas de faux chez nous, le bon son qu'on affectionne. On fonctionne à deux, pour ceux qui rêvent de nous voir morts, on lève le doigt du milieu. Première tentative, y'a plus d'alternative, faut tout balancer. Ici l'hip-hop grimpe, tape les tempes. Ouvre les esprits, estompe la haine à coups de sample. J'avance, maîtrise mon domaine, et c'est ma fat production. Dealer lime sac, mes mots s'animent quand doit tomber la sanction. Putain le mic est chaud malgré que je vienne de Vince Pro. Remplis ton verre à raf et toi dissoudre un as pro. Une mélodie qui casse les oreilles à force de tourner. Rarement de changement, encore une fois c'est ma tournée. Quoi qu'il en soit, la rage m'escorte et porte l'étendard du taureau brodé. Un fils de pied noir espagnol, adepte de métaphore et formule codée. Le flow est pur, les textes sensés, chaque mot casé est pensé. Freestyle pour tout péter dans la baraque des faux qui se pavanent. Mon style va faire saigner microphone en sarbacane. Baston pour m'épauler au mic, rodé pour décoller. Le rap et les platines, un job pas juste pour déconner. Le son est bon, pète la sono. Azim lime ça s'empare du matériel comme des salauds. Des salauds. Le son est bon, pète la sono. Azim lime ça s'empare du matériel comme des salauds. Des salauds. Le son est bon, pète la sono. Azim lime ça s'empare du matériel comme des salauds. Des salauds. Le son est bon, pète la sono. Azim lime ça s'empare du matériel comme des salauds. Des salauds. La tête baissée, je fonce, mais crois-moi, je sais où je vais. Le dernier jour, ça non, je passe au train à foutre, putain, faut y aller. Je bouscule les règles, nique l'état. J'implorge le processus, compte à partir de l'état. On me souhaite devant la bonne année, dans le dos, on voudrait me voir condamné. Qu'il soit damné, fané, les fleurs, mon art profané. Un sale climat, j'ai bien trop ramé. Le vent, fâche, lutte, affûte mes mots pour punir. Souffrir d'avoir voulu jadis, naïf, le hip pour punir. On m'enlèvera pas la rage de vaincre, l'envie de gagner. Je suis désolé, fillette, moi, je me mets rien dans le nez. Je rentre, pénètre, on ferme la porte, brise la fenêtre. Soumettre mon point de vue, je dévale des balles. Mes mots de la balle, un bon son lourd brut. Une bonne caisse claire qui claque en mic, j'avance pour donner des aides complexes, uniques ici, y'a pas des MC clonés. J'prends les rênes du destin qui s'interpose au soi, mais mon phrasé qui prend l'intestin. Chaque combat renforce ma pensée, j'donne ce que j'ai, la guerre des nerfs, j'l'ai gagné. Mon but est simple et précis, infiltrer les ondes, se dépenser, foncer, sortir de l'ombre. J'tente la percée, au bon hip hop, j'suis bercé. J'vise le sommet, et pas question de laisser les fausses valeurs m'assommer. M'isoler, regard sur soi, introspection, histoire de se raisonner. Sans cesse surprendre, étonné, du neuf j'évite les ronner. J'paye pas pour Dieu du billet, de quoi sera fait demain, j'évite de ressasser le passé. Mauvais souvenirs, songer soudain, c'est clair, mieux vaut l'effacer. Facile à dire, j'persévère, persiste encore même si la vie est sévère. J'suis pas à plaindre, j'donne ce que j'ai pour les frères. Le son est bon, pète la sono. Azim lime ça s'empare du matériel comme des salauds. Des salauds. Le son est bon, pète la sono. Azim lime ça s'empare du matériel comme des salauds. Des salauds. Le son est bon, pète la sono. Azim lime ça s'empare du matériel comme des salauds. Des salauds. Le son est bon, pète la sono. Azim lime ça s'empare du matériel comme des salauds. Des salauds. Ton nom, Azim, que signifie-t-il? Le grand. Non, c'est vrai? Tu t'es toi-même nommé ainsi.